maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Planet Rap reçoit MZ. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. MZ, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour la deuxième soirée avec MZ. Comment ça va, messieurs? Ça va toujours bien, et toi? La journée, tiens, ça ressemble à quoi une journée de la MZ? En ce moment, hein, parce que d'habitude, je sais que vous êtes beaucoup en studio, que vous avez beaucoup bossé. Non, là, on a fini un peu le studio. Soit t'es dans le bendo, soit tu bosses. Tu fais la promo de l'affaire de famille qui sort le 4 mai. C'est dans 6 jours. Ouais, dans 6 jours, J-6. Affaire de famille, le premier album, même s'il y a eu des projets qui sont sortis. Là, c'est vraiment en mode album. Voilà, en mode album. Premier album de la MZ. Qu'on va découvrir cette semaine entre 20 et 21. Je crois que vous avez un titre inédit ce soir à passer. Un freestyle inédit. Ah, c'est freestyle inédit. Un gros freestyle inédit. Bon, à pas louper. Et un titre aussi inédit. Ah, Evadé en featuring avec Mallory. Evadé. Evadé. Ah, non. Et bon, on pourra découvrir Evadé tout à l'heure. On reviendra aussi sur le parcours de la MZ. On fera un petit tour dans les différents projets sortis. Je sais pas ce que vous avez prévu ce soir. Quel morceau vous avez envie de mettre en avant ou de faire redécouvrir ou découvrir, tout simplement. Non, on va commencer par juste. Je suis un menteur. Comme d'hab. Toujours par juste un menteur. Ah, ça c'est pour ça c'est pour débuter. Mais je parlais des projets précédents. Ouais, après c'est du bratatata qu'on redécouvre dans volume 3 du 3.5. Et de l'album, on va découvrir le nouveau morceau Evadé en featuring avec Mallory sur une prod d'Equinox. Avec le hashtag MZ sur Skyrock, vous balancez des messages ce soir. Est-ce que vous allez répondre à toutes les questions? Non, pas toutes. Est-ce que vous allez répondre à toutes les questions? Pas toutes. On va répondre à des questions. D'accord, parce qu'il y a les auditeurs de Skyrock et auditrices qui veulent vous poser des questions. Ce sera dans un instant. Si vous aussi, tiens, vous voulez poser des questions à la MZ, vous balancez un petit message avec le hashtag MZ sur Skyrock. Et on débute donc avec Je suis un menteur. Voilà. Allez, coup d'envoi de ce Planet Rap MZ. 4 mai. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. Tu sais que j'aime pas te voir dans cet état. J'ai pas de mouchoir sur moi. En plus t'es pas belle comme ça. Ton maquillage dégouline sur ton visage. T'as cherché, t'as trouvé en fouillant dans mon téléphone. T'es tombé sous les messages d'Alicia, Katia, etc. Maintenant t'as l'impression de faire une chute de cet étage. Autour de toi, le monde s'écroule. J'ai l'air d'un con mais j'essaie de rester cool. Aucun de tes ex n'a pris aussi soin de toi. Aucun t'a baisé comme moi. Aucun de tes couples n'est aussi mignon que nous. Et si tu pars, j'espère que tu reviendras. Garde-moi une place dans ton cœur, je te garde une sous mes draps. Au pire des cas, je penserai à toi. Dans les bras d'une autre meuf, la vie est belle, la mort est proche. Et l'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. M'appelle, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec toi. Ouais, je sais, je suis un bâtard, mes parents n'étaient pas mariés, mais veux-tu coucher avec moi? Puis on se fait la guerre pour mieux se faire à l'amour. Peut-être que ce sera l'une des dernières fois. Trois bagues au doigt pour mes ennemis, t'as visé l'annulaire. Garde la foi. Je suis pas le tocard de tes morceaux de souk. Je suis plus rusé que les tocards de tes morceaux de souk. Regarde pas mon portable, il est méchant, mais il te fait des bisous. J'élève jamais la main sur une femme. Je mets en île missile, en île missile. Deux, trois cheveux coincés dans le calbar. Là, je suis sorti d'un homicide. Quel bon homicide. On en est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir, je dormirai seul. Chez nous, l'amour n'a pas de cœur. Depuis, l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve. On en est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. Je suis chez le poteau, qu'est-ce que tu me dis? C'était la voix de sa petite cousine. Je suis le roi des abrutis. Je me suis encore fait attraper ce coup-ci. Eh. No stress, retourne au monde de situation que je vais tenter. Pas de panique, je suis un menteur. J'ai déjà ce que je vais dire dès que je vais rentrer. Trop serein ici, c'est moi qui gère. Demande amour autour d'un resto. On se fait l'amour, on se fait la guerre. Ça peut aller très vite à cause d'un texto. Par contre, toi, si tu me trompes, je te casse la gueule. Je rigole, je m'en bats les couilles, j'en sers une autre. En vrai, il n'y a pas que des menteurs. Des meufs auront du dégât parano. MZ dans les bacs dans, allez, une semaine. Lundi prochain. Et en précommande dès maintenant, on peut y aller. On peut y aller direct sur les plateformes de téléchargement légal. Et on récupère celui-ci aussi, hein, je crois. Ouais, celui-ci dans le bendo. Et Wesh les puristes. Et demain, ma substance, demain. Il y a un clip qui est arrivé aussi hier. Wesh les puristes. Wesh les puristes. Si vous voulez mater d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag MZ sur Skyrock. On y va, je vous ai promis des questions d'auditeurs. On attaque tout de suite, il est 20h, pratiquement 20h sur Skyrock. C'est Philippe Dupéreux qui est le premier à passer avec la MZ ce soir par téléphone. Salut Philippe. Salut, comment ça va Fred? Eh ben écoute, en pleine bonjour forme à tout et tout le monde. Bah, ça va Philippe, tranquillement. Ça va, toi. Philippe, est-ce que tu supportes la MZ? Pardon? Est-ce que tu supportes la MZ? Ouais, carrément. C'est j'attends vrai. Le 4 mai. Oh, on aime trop. Plaisir, ça fait plaisir. C'est bien, c'est bien. Si. Fifi. Un propos. Fifi, voilà, c'est Fifi. Fifi, quelle est ta question? Bah écoute, ma question c'était est-ce que vous comptez rester dans le registre de cette chanson un peu ghetto machin ou vous voulez changer? Parce que j'ai remarqué dernièrement c'était un peu lover. Philippe, genre, je suis pas un menteur. Philippe. Embrasse-moi. Ouais. Philippe, mon gars, si tu dis que c'est lover, c'est que t'as pas compris les musiques. Hein. Je t'invite à aller voir les paroles. Peut-être on s'est mal compris, on va dire. Bon, c'est lover. Je vais pas dire qu'on va la jouer plutôt gangster, ghetto ou lover. On va la jouer au feeling, comme on l'a fait depuis nos débuts. Et on espère que ça te plaira toujours. Entre temps, bah écoute, toujours, que entre temps, tous les titres que tu as cités, il y a quand même Voldemort. Alors c'est vrai pour rejoindre un peu ce que dit Philippe, c'est vrai qu'on a tendance aussi à associer à MZ des morceaux. Bah on a passé hier Lune de Fiel, morceau comme Je suis un menteur. C'est vrai qu'il y a un côté, alors peut-être lover. Là c'est du gangsta love. Ça. Non, voilà, lover gangster. C'est frère, mais... c'est un lover mon frère. Ça se voit, c'est un lover. C'est un lover. C'est les genres de morceaux Je suis un menteur, tu mets, t'es tranquille. Mais non, mais pour rejoindre ce que disait Philippe, parce que voilà, la tonalité de l'album, pour expliquer un peu ce qu'on pourra retrouver dans l'album la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura des thèmes différents? Est-ce que d'hab. Vous abordez des choses différentes? On aborde toujours des thèmes différents, des musicalités différentes, et c'est pour ça qu'on se permet aussi de faire des morceaux comme ça, tu vois. C'est parce qu'on veut tout tenter et apparemment ça marche. Sur certains. Voilà. Et puis ils ont peut-être aussi des sacrées soirées, Philippe, tu sais. Hein. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'inspiration. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'inspiration. Mais des sons comme ça, tu peux écouter avec ta meuf. Toi, tu dis si on veut rester, t'es bizarre, toi. Ouais, carrément. T'es célibataire en ce moment. Avoue-moi. Fifi, est-ce qu'il y a une Philippine ou pas, non? Je vous entends très mal. Non, est-ce que t'as une nana ou pas, Philippe, en ce moment? Non, du tout. Ah, c'est pour ça. Je comptais sur la MZN pour pécho, c'est pour ça. Et ben alors, le meilleur moyen, c'est lundi pour la sortie. Tu sais quoi, tu vas traîner près du rayon. tu vas aller chercher l'album ouais. et tu regardes qui, s'il y a beaucoup de nanas qui passent. Oh tiens, tu le prends aussi celui-ci. Oh. Un bon plan drague pour la semaine prochaine avec l'album de la MZ. Ouais, y'a pas de soucis. Hein. Merci à toi, Philippe. Après, si tu viens en bataclan, je vais demander un petit truc. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je voulais savoir si c'était possible de gratter un album ou même un t-shirt dédicacé par la MZ. Ah, je me tourne vers Davidson. Il veut un t-shirt et il veut l'album, il veut la totale en fait, Philippe. Hein. Dédicacé. La dictature, la dictature. Je vais dire un truc, c'est Philippe, c'est ça? Philippe. Ouais, c'est Philippe. Bah vas-y, essaye de nous rejoindre. Essaye de nous rejoindre sur un de ces réseaux. Facebook MZ officiel ou Twitter MZ Group ou encore ouais, Instagram. Et bah, tu sais quoi, tu envoies nous ça en DM. Tu envoies en message privé, tu envoies en disant ouais, je suis Philippe, je suis passé à l'antenne sur Skyrock. Ah, Davidson m'a promis des albums, des t-shirts, des. Davidson n'a pas promis. J'ai même le Snapchat de la dictature. Ah, carrément. T'as la dictature sur Snapchat. Bah toi, t'as capté, envoie un Snap alors. Fais ta plus belle tête. Merci à toi, Philippe, en tout cas. Merci à vous. Bah, bonne journée, bon cours. Merci à toi aussi, bonne soirée. Ouais, plutôt en soirée là maintenant, on est parti en soirée. Hein. Quoique, on a peut-être qui se lève. Lève tard vous ou pas à la MZ? Ouais, je me lève à 15h, je sais que la vie est devant moi. Je suis de bonne humeur. Non, on se lève tard que quand on est prêt à être dans le bendo. Après, comme on est des bosseurs, ça peut nous arriver d'enchaîner toute une nuit blanche. Tu sais, on bouge hors de Paris. Et voilà quoi, pas de repos. Il y a des concerts d'ailleurs prochainement, MZ, on nous demandait. Il y a évidemment, on en a parlé, ça sera au mois de décembre à Paris, au Bataclan. Ouais, en attendant, on va faire des petites tournées, mais pour l'instant. Le 22, on est à Vannes. Là, sûr, c'est voilà. Le 22, on est à Vannes. 22 mai ouais. 22 mai à Vannes. 22 mai, on est à Vannes. Et peut-être Le Mans. Et vendredi au Mans. Et vendredi du côté du Mans. Ce le 14, vendredi. On est à Lille. Mmh. Ah, bah oui, ça bouge un petit peu pour voir la MZ. Ça va bouger un peu plus. Et je disais, on a salué Davidson qui est votre producteur, celui qui vous a aussi. Le mentor. Le mentor. La dictature. Il y a aussi monsieur Mélo Philo qu'on n'a pas encore salué qui est là. La maison Cadébisique. Mmh. Salut tout le monde. Ça va bien, Mélo? En pleine forme? Impec, toujours. Tout roule? On a 6 jours de la sortie. Ouais. Avec la MZ et le projet à découvrir. On va dans un instant passer un autre auditeur par téléphone. Je voulais aussi balancer maintenant sur Skyrock. C'est un morceau, je sais pas si vous avez écouté, c'est le nouveau Gims qui est arrivé aujourd'hui. Nouveau son de Maître Gims qui s'appelle Est-ce que tu m'aimes? Ouais, je l'ai écouté. J'étais en train d'aller chercher ma mère à l'aéroport. Il est passé ce matin, Gims nous présentait son nouveau titre. Il nous a aussi annoncé que pour fin août, début septembre, il y aura un double album de Gims qui est prévu avec un côté justement un peu comme vous, un peu côté pop urbaine et puis l'autre. Ouais. Est-ce que c'est frère, Gangsta Love? Quand toi tu veux recevoir Gims ici, j'espère que tu vas aller dire MZ aussi. Et donc pour l'autre partie de l'album, ce sera un côté un peu plus pop urbaine et un côté un peu plus kické. Et là on écoute donc ce morceau qui sera dans le côté pop urbaine. Est-ce que tu m'aimes, Gims, maintenant avant de retrouver la MZ et les questions à la MZ sur Skyrock. Voilà, nouveau son de Gims à l'instant en attendant l'album. Est-ce que tu m'aimes? Vous avez pu découvrir ce morceau depuis ce matin, toutes les heures sur Skyrock à l'instant. Et la MZ de retour dans le Planet Rap. Ouais. Dans un instant, freestyle inédit. Ouais, on va commencer tôt aujourd'hui. Et bah, très bien. Ils ont été tôt connectés. Et bah, ça arrive. Voilà, balancer dans tôt. Un instant, juste avant, il y a une question. C'est la question de Guillaume de Compiègne. Salut Guillaume. Oui, bonjour. Ça va bien, Guillaume? Oui, vous? Ouais. Est-ce que tu supportes toi aussi la MZ? À fond. Lui, c'est Guigui. Tout à l'heure, on a eu Fifi. Là, c'est Guigui. Et c'est Guigui. Guigui qui supporte dans l'Oise, du côté de Compiègne. On t'écoute. Quelle est ta question? C'est pour savoir depuis quand vous êtes dans le rap exactement. Ah. Ouh là là. Dans le rap. En fait, on a commencé à rapper en 2007. 2006, 2007, on était au collège. En troisième, et moi en troisième, et j'ai redoublé deux. Je l'ai redoublé ma troisième. Pour te dire. T'en as encore des séquelles, t'as du mal. C'est un moment que t'as mal vécu. Hein, ça sent. Quand il casse les couilles avec le brevet et que tu vois, deux fois tu l'as, c'est chaud un peu, mon pote. Bah, tu l'as eu deux fois? Non, je l'ai pas eu. Mais même pas? Non, arrête tes questions. Vas-y, Guigui cool ou quoi, Guigui mon gars? Donc voilà, c'était oui. Donc c'est voilà, période, pote, collège, etc. ça voilà, commence moi, à gratter un petit en peu. Troisième. Mais d'une manière plus professionnelle, quand est-ce qu'à partir d'un moment vous avez dit tiens, on va essayer quand même de tenter un peu de partir du waouh? Parce qu'avant quand même, faut dire la vérité, on était assez jeune, on était plus jeune que enfin on est encore jeune, on était plus jeune qu'aujourd'hui, mais on prenait le truc au sérieux vraiment. Donc mais à partir d'où ça a été vraiment sérieux? Au sérieux mais indiscipliné. Ah, voilà. Après, discipliné, ça je crois que ça a été au volume 2 peut-être. Ouais, volume 2. Volume 2. MZ Music Volume 2. Et là, par contre, là, très discipliné pour la sortie de l'album. Ouais, ouais, toujours, on bosse, il n'y a que le travail qui paye. Guigui, il y a une autre question? Non, c'est bon. Et bah voilà, c'est non, bon. C'était juste ça. C'est ouais. Tout bien, c'était juste savoir. Est-ce que toi, tu rappes aussi, c'est ça? Non, tu fais. Comment? Non, il a arrêté, il parle même plus d'ailleurs. Guigui, tu seras là le 4 mai ou pas, toi? T'es connecté? Le 4 oui, mai, oui, tu. Je suis connecté. Frère, on est ensemble alors. Et bah, merci à toi, Guillaume, à l'instant. Et je crois que maintenant nous pouvons passer au freestyle. Au free inédit de la MZ. C'est ce qu'ils vont nous offrir maintenant sur l'antenne de Skyrock. Vous êtes prêts? Ouais. Messieurs, on attaque? Allez, pas de soucis. Session live tout de suite dans l'émission MZ. Affaire de famille le 4 mai dans les putains de bacs. Capté ou pas? MZ Kirik. Check. Affaire de famille le 4 mai, t'as capté MZ. Je sors de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock. Tout le rap bien m'y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la peau, faire des bottes. Mélanger à ces putes ferait baisser ma cote. Je sors de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock. Tout le rap bien m'y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la peau, faire des bottes. Mélanger à ces putes ferait baisser ma cote. Si on est doué, on est doué. Grâce au créateur, amène que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les radios veulent pas nous jouer. Pas nous jouer. Affaire de famille dans les bacs dispo le 4 mai. Genre de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock. Bam, bam. Je suis fucked up comme Lock Dog. Je pars en fumée quand je tire sur ma drogue. Comme Kenny dans sa Spark, je meurs à chaque épisode. Toi, tu suces pour des feats, donc bois pas sur mon yop. Cette merde est contagieuse, donc garde tes microbes mélangés à ces putes. Bon, merci mon pote, je vais pas finir comme cet enfoiré d'huile, il a l'op. Bam. Rose down, G's up, joint puff et mes négos turn up. Et mes négos turn up. En harmonie comme les bonnes thugs, t'es toujours à la recherche des bonnes thugs. Drive by sur les ondes, côté passager, j'allume tout le monde. Rappeur, beatmaker, producteur, manager, pour qu'on cesse de passer vos chansons immondes. Je sors de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock. Tout le rap game y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la pompe faire des potes. Mélanger à ces putes ferait baisser ma cote. Je sors de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock. Tout le rap game y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la pompe faire des potes. Mélanger à ces putes ferait baisser ma cote. Oh, check. Si on est doué, on est doué. Grâce au créateur, amène que Dieu soit loué. Ces radios veulent pas nous jouer, pas nous jouer. Affaire de famille dans les dispo le 4 mai. J'suis dans le bendo ou dans un Ganda. Avec Zaiko dans la script depuis Lando. On a le même flow, le rappeur Wanda. Le flag est plus efficace que ton taekwondo. Ces fils de pute nous aiment pas. Ok, j'suis content. À la vie, à la marche, que toujours sache pas. J'ai la rage, j'peux plus mettre de haspa. Ma tête est grillée, pourtant ce rock ne nous passe pas. Petit fils de pute, écoute-moi. Gros, tu nous connais pas. On charbonne pour Kalina. Grosse descente, participe. Eh ouais, mon négro, on est allé, on fait du ça. C'est MZ Kirik, on fuck ta Kirik. Je vois vos Kirik, ça me donne des billets. J'ai la force à Yekini. Je vous vois tous en mini. Sous mon cul à Skyrock, où tout le rap bien m'y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la pompe faire des bottes. Mélanger à ces putes ferait baisser ma cote. Je sors de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock, où tout le rap bien m'y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la pompe faire des bottes. Mélanger à ces putes ferait baisser ma cote. Si on est doué, on est doué. Grâce au créateur, amène que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ces radios veulent pas nous jouer, pas nous jouer. Faire de famille dans les bacs dispo le 4 mai. Pas de numéro 1 dans le rap, dans toute la France. Mais ça le fera jamais, sans mes sons. Lui il est naze, l'autre je t'en parle même pas. Lui il fait le gangsta avec vol et mensonge. Comment ça tu ne connais pas depuis le début? On arrive à petit pas avec vol et mains sales. Pas de cinéma, pas de similitude. Pour être posé tranquillement ici, on n'est pas passé sous la table. Je t'en veux pas, c'est que du business. Mais t'as pris ton temps pour voir qu'on est PNF. Ouais, je t'en dis pas, c'est que du business. Mais t'as pris ton temps pour voir qu'on est pénètre. Je sors de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock. Où tout le rap bien m'y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la pompe, c'est des potes. Mélanger à ces putes, ferait baisser ma cote. Je sors de mon bloc, je pose mon cul à Skyrock. Où tout le rap bien m'y a laissé un tas de crottes. Dans ce bis de merde, pas la pompe, faire des potes. Mélanger à ces putes, ferait baisser ma cote. Si on est doué, on est doué. Grâce au créateur, amène que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ces radios veulent pas nous jouer. Affaire de famille dans les bacs dispo le 4 mai. Ouais. À l'instant, en live, la MZ et le freestyle inédit pour bien débuter ce Planète Rap. MZ. C'est pas pour les retardataires. Avec nous entre 20 et 21 à découvrir aussi dans les bacs à partir du 4 mai. Affaire de famille. À pas louper. On mettra un titre inédit tout à l'heure de Affaire de famille. Évadé en feat avec Mallory, une prod d'Equinox. Des gens qui demandent aussi s'il y a beaucoup de featuring sur l'album. Non, les feats c'est les mêmes. Chiche, les mêmes. Marlo, Zaina, Mallory. C'est pour ça que c'est une affaire de famille. Voilà. D'où le nom en même temps. Dans un instant, il y aura aussi d'autres questions. Bougez pas, on revient dans quelques minutes avec la MZ sur Skyrock, c'est Planète Rap. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit MZ, MZ pendant une heure complète ce soir. Planète Rap. Planète Rap MZ. C'est la MZ sur Skyrock toute la semaine et l'album qui sort dans 6 jours maintenant, Affaire de Famille. 6, Affaire de Famille le 4 mai. Toujours en précommande, vous pouvez le récupérer déjà avec des morceaux en plus dessus. Sur iTunes. Et on retournera un petit peu en arrière avec. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Le. Et bah dans un instant il arrive. Juste avant, il y avait une question, celle d'Anissa de Shell qui veut poser une question à la MZ. Salut Anissa. Salut. Ça va bien Anissa? Ça va et vous? Bah écoute, en pleine forme. On t'écoute Anissa. Moi je voulais savoir si plus tard dans l'avenir avec quels artistes vous aimeriez collaborer et si voilà. Seul l'avenir nous le dira et peut-être qu'il y aura des nouveaux artistes que tu connais même pas encore qui sont en train d'arriver. Ah bon? Ouais. Ah, on sait pas, hein, ça arrive toutes les années. Je pense que tu l'as remarqué. Ouais. Et seul l'avenir nous le dira. Vous avez pas une envie particulière? Mais pour l'instant j'ai une putain d'envie de faire un son avec tout le collectif, tu sais, les Marlots, les Chiches comme d'hab, les Aïna, les Mallory, Jessica. Après, tu sais, les Laurent Voulzy et autres, ce serait pas mal aussi. Hein. Ça serait cool. Je te jure, genre un petit morceau à l'Ars des Toits. Avec Céline Dion, je kifferais Anissa, moi. Moi, avec Céline Dion, je kifferais de ouf. Ah oui, bah ouais, après, je sais pas si c'est possible, mais laisse tomber. Bah, pour l'instant, je me sens comme Johnny. Ouais, Johnny Hallyday, ce serait pas mal. Ah aussi? Ouais, de ouf. Ah, franchement, bien. MZ, Johnny Hallyday, ouais, faudrait y penser. C'est tout pour ta question, Anissa? D'accord. C'est tout pour ta question? Ouais. Bah très bien, merci à toi, Anissa. Merci beaucoup, Anissa. Vas-y, bonne soirée. Et n'oublie pas, le 4 mai, c'est dans les bacs, c'est Affaire de Famille. On va se replonger justement un petit peu sur le parcours de la MZ avec ce morceau qui s'appelle Bratatata. Bratatata, extrait du volume 3. C'est maintenant MZ sur Skyrock. Les bleus c'est les méchants, nous c'est les gentils. Qui veut du touchy? Moi je suis pas trop belle, plutôt Mariama, aka Mimi. Je me souviens pas quand je l'ai mal mise. Je les oublie quand elle m'appelle mon mari. Wesh les gars, va dit c'est quoi le boulot? Medjoula, mon dague et poulot. Les MC sont forts, n'y crois pas, c'est des lol. Négro, ferme tes fesses, tu sers qu'à galoche. J'ai la dégaine, donc elle kiffe le bonbon. Shoot dans les couilles de ce con Cupidon. Balance les tétés qu'on se tire sur Pluton. Mais jamais j'aurai le même ventre que ton tonton. Vous pouvez une pétasse, pas sale, wesh, chico. Je te cache pas avec un énorme dos. Un C4C plat dans les locaux du comico. Et badaboum, sors tous mes chicos. Allez niquez vos merdes, vous êtes même pas beau. Même pas bon, vous allez sauter comme Laurent Gbagbo. Oh, ce petit le meilleur avec trop de défauts. Là c'est le volume 3, Bonobo, D-E-H-M-O. Oh, oh, un peu le respect de mon essayo. Balance pas la famille comme D-O-J-L-O. Chante des échos quand je décroche mon bigot. Oh, oh, puis je balance mon truc du bas vers le haut. Prenez position, je parle à tous mes négros. Et comme ce gros larve de l'océan, la rose. Nouvelle mixtape renvoie sur le banc touche. Hold up de 4 necks et tout le rap game couche. Crois-moi que le Z rend n'importe quel bleu louche. T'as mis des rock cards et wanted grip tous les feux. Bolos indique plein de clichés. J'ai ce que j'ai à faire, ce que tu penses, mon table. J'ai dessous à prendre, s'il te plaît, fais pas chier. Dans ce rap de merde, y'a pas d'amitié. On est best, demande au litier. Touche à la mif, on a du l'âge de jouer. On t'envoie à l'âge, ça fait sans pitié. Hey, MZ musique, volume 3, chaud bouillant dans le magma. Depuis Black Ben Flow, j'vois les mêmes trucs. Le volume 2 leur a fait sentir la date pas. PJ, cheval, sache pas. Ton rappeur préféré va se faire slagma. Ils sont pas prêts pour le Bobman. Pour l'instant, on leur met des coups de krakma. Oh, oh, un peu le respect de mon essayo. Balance pas la famille comme Dio Jello. Chante des échos quand j'décroche mon bigot. Oh, oh, puis j'balance ton cul du bas vers le haut. Prenez position, j'parle à tous mes négros. Et comme ce gros larve de l'océan, la rose. Il nous regarde haut, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, l'escalier, donc à bientôt. Suis le son de nos voix et dis-moi ce que tu vois. On est quatre, comme les quatre saisons dans le rap, on vient faire la météo. Alléluia, alléluia. Top, les points cardinaux du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre place se propage dans les ghettos. Alléluia, alléluia. Quatre négros, quatre flots, puis de boules dans la sono, bédant dans la cheveux, nous ne sommes pas un bibi. Biggie. Davidson, dire le bise à la Didi. Glock, Pololo et Kebigi. Bitch, allume ses pétards, c'est un qui me ferait toi ma Bibi. Connecté par la vida au débit. J'suis défoncé comme ODB. C'est à nos tours de briller de mon docking de Bulbi. Nique le rap game. Nique la relève. Nique la punchline de merde. J'écris des déclarations de guerre. J'suis connecté par la vida au débit. J'suis défoncé comme ODB. C'est à nos tours de briller de mon docking de Bulbi. Un pour le respect, deux pour le CEO. Balance pas la famille comme Tiangelo. Chante des échos quand j'décroche mon bigot. Oh, mais j'balance ton que tu vas vers le haut. Prenez position, j'parle à tous mes négros. Et comme ce gros larc de l'océan, on la rose. MZ Affaires de famille le 4 mai. MZ Affaires de famille avec Bratatatata. Coup de pression. Voilà, à l'instant, c'est. Tu sais ce que ça veut dire, Bratatatata. C'est que ça, c'est quand on vient énervé, tu vois. Ouais, je sais. On vient, on est fâché, on s'est levé du pied gauche. Mais là, ça va. Ouais, là, ça va. Là. Ouais, là, c'est cool. Là. Bien soir, cool. Tout va bien. Des gars cool. Okay. MZ, c'est la sortie le 4 mai cette semaine. On découvre le projet. Il y a un titre inédit qu'on va aussi balancer dans un instant. On mettra aussi un autre morceau des projets précédents de la MZ dans quelques minutes. Et petite dernière question pour ce soir, c'est Alex de Salon de Provence. Salut Alex. Salut, ça va ou quoi ? Et toi ? Alex. Ça va tranquille, hein ? On t'écoute. La MZ, t'écoute. Tu supportes la MZ à Aix en Provence aussi ? À Salon de Provence, toujours, pardon. On aime trop alors. Ça veut dire que t'es connecté. Depuis le volume 2, ouais. C'est que t'es dans la famille alors. Ah, depuis le volume 2, carrément. Mm-hmm. Et ouais, t'es carrément ouais. Dans l'affaire de famille, toi. Et bon, on t'écoute. Et moi, je voulais savoir, parce que je suis allé les voir à Marseille, du coup, la première partie. Ouais. Je voulais savoir quand c'est qu'ils repassent. Ah. Franchement, à Marseille, le plus tôt possible serait le mieux. Hein. Bon souvenir, bon souvenir de Marseille, bon souvenir. Ouais, bon souvenir. C'est une belle ville. Hein. Ouais, franchement. On aime bien. Le club aussi de foot. Ouais, vas-y. Ouais. On aime bien, ouais. Franchement. En ce moment, vous aimez bien, ouais. En ce moment, tout va bien. Non. En ce moment, on peut aimer. En ce moment, on peut aimer. On fait semblant. Toujours Paris, nous. Eh, non. Mais je t'aime bien, mon gars. T'es un gars de Marseille, tout ça frais, hein. Mais ton club là, voilà, ça bloque quoi. Parce que vous êtes encore dans le passé, c'est pour ça. Voilà. T'as capté que vous faites plus le point. ne nous fâchons pas avec Alex. Je suis avec toi, je prends Marseille, moi. Voilà, d'autant plus que vous retournez bientôt à Marseille. Ouais. Bah, ça va. Et une autre question, t'avais Alex ou. Moi, je voulais savoir si c'est moyen qu'on finisse d'avoir un t-shirt ou pas. Ah. Pareil que pour tout à l'heure. Ah, un t-shirt. Bah, ça va, de toute façon, j'ai le Snapchat, j'ai le Facebook, j'ai tout. T'as tout. Bah, vas-y. Et oui, j'ai tout. Alex. Et bah, tu demandes en message privé. Boba Davidson. Hein. Allez, c'est bon. C'est que c'est Alex qui va t'envoyer un truc. Hein. Sur Snapchat, tape ta belle gueule. Hein. Y a Alex et Philippe, bon, faites vos gosses. Hein. T'inquiète. Merci à toi en tout cas, Alex. Passe une bonne soirée. Merci. Vas-y, mon gars. MZ, tiens, qu'est-ce qu'on met comme morceau ? Est-ce qu'on... Non, l'inédit, on va le garder un petit peu. On le garde là pour le moment, mais brr. Tranquille. Tu vois, 3.5. Ouais, on va prendre ça. Allez, c'est parti. Petit, juste parce que j'ai la flemme de pousser. Fort que les gens qui me veulent du mal, j'ai pas besoin d'alcool pour me booster. Du prolifique mec Alina sur nous, ça va rapporter. Tu forces trop sur la street, rien ça suce les plans comme ça, c'est bourbé. La MZ se résume à vœux, tease, ni à aller bomber. Mais je suis pas ton mec, je crois qu'il a pas ce zizi qui pourrait te contenter. Content d'avoir fait ta connaissance, je suis pas venu pour rester, tu fais plus bander. L'oseille dans mon crâne, mes poches de gens art, j'espère voir tous tes photos écrouées. Je suis pas venu pour prendre ce que j'ai le droit de prendre, plutôt pour prendre ce que j'ai pas le droit de prendre. Mimi t'es bonne et moi je suis bon lit. Quand je dis que les plus on me suffisant, je suis poli. Ça dépend pour qui je suis un mauvais colis. On est dirigé par des alcooliques. Prends pas la tête sur moi, j'ai plus de côtes que tes fesses. Tant que colis. Affaire de famille de 4 mètres à la barre. entouré de bacheliers et de secs. Tu veux savoir d'où nous vient cette inspiration sur la vie de mon flow, moi-même je sais pas. MZ volume 3, t'as le magma. L'album sera pire que le magma. Tu donnes ton boule, mais tu fais pas un sou. Je crois que ton produit carte de magma. Mon flow aurait besoin d'un psychiatre. Déterminé comme les petits du 24. MZ clic, en bas ton bras. Depuis le deux fiels, toutes ces putes pas ta cap. Je reprends le bureau où je vais en faire tapiner. Si on explose pas tout dans les chars. En attendant l'album, on les effraie tous comme cette pute qui pute la chatte. La zip est plus cool, les plaquettes sont plus cool. Les potos sont zikro carré, puis sur le coup. Putain, comment je me marre quand je vois tous ces rappeurs s'entretuer. Pendant deux mois, t'es carré, on se serre et le coup, tu vas blaguer son père. Vendre du rêve à son père, tout le check assez que tu roules en l'air. Tu fais peur à son père, tu vas tirer sur son père. Ma parole, tu peux ranger ton bloc. HP, dans les boîtes, dans les putains de vlogs, dans les putains de balles. La zik est bad, comme cette putain de dôme. Ma vie, c'est en bas. Dans les boîtes, dans les putains de vlogs, dans les putains de balles. La zik est bad, comme cette putain de dôme. Mes phases et mes flots, tirer sur mon bédo. Être dans le bloc, apprécier dans le ghetto. Baiser les mêmes go, traîner dans ma bande. Partir plutôt gang bang dans le bendo. J'ai la plume à Rimbaud, je déploie comme Rambo. Mais la tête attache, très fine, penseur dans le dos. J'ai ce qu'on appelle le bang bang flow. Je qui est revenu, mais t'as mon bal défaut, négo. Bah les coups, besoin de personne. Aucun de ces négos ne m'impressionne. J'suis venu ramasser les gros sommes, ils se demandent qui nous sommes. Les euros s'additionnent. Aucun de ces poules, je n'affectionne. Lors de la mort, aussi c'est Wesson. Faire du sale, c'est mon job, moi c'est Malekal job. Dis le fils du cul de Boulogne. MZ est dans le building, j'en la haine en eux. Parce qu'on est ces négros qui niquent le rap jeu. Ces jeunes négros qui rappent comme eux, mais en mieux. Une pute à chaque porte parisienne, NNE. Je la prends le comme une chienne. Cette salope trouve ma queue aussi bonne que ma bœuf. Parce que les deux la défoncent en moins de deux. Dans les boîtes, dans les putains de vlog. Dans les putains de balles. La zik est bad, comme cette putain de dôme. Moi, c'est en bas. Dans les boîtes, dans les putains de vlog. Dans les putains de balles. La zik est bad, comme cette putain de dôme. Le 4 mai, affaire de famille, MZ. MZ et ce morceau qui s'appelle Brrr. Voilà, une prod de HP Equinox. HP, il a. On a fait l'instru à deux. Une grosse prod. Gros voilà. Donc ouais, vous bossez un peu tout, donc. Un peu tout. Et tout à l'heure aussi, je voulais dire, ça parlait de PSG Marseille. Moi, je suis un supporter du FC Gobelins, moi. Ah bah très bien, le FC Gobelins. Comment ils se portent? Non, franchement, c'est un club. C'est à Paris, hein. C'est Gobelins, ouais, le quartier des Gobelins par 13. Il y a des joueurs ici du FC Gobelins. Ouais, ils sont là. Dédicace à Ludovic. Petit Bendo. Non, franchement. C'est un club qui monte. Eh bah le club qui monte. Voilà, comme là en ce moment là en national, il y a Red Star et Paris FC qui montent. Après, eh bah peut-être FC Gobelins. Après peut-être en Ligue 1, tu vois, il y aura plusieurs clubs parisiens, tu vois. Il y aura le FC Gobelins. Il y aura le FC Gobelins dans quelques années. Très bien, ouais. Ils jouent où le FC Gobelins? Le FC Gobelins, ils jouent au Stade Boutroux. Ils jouent au Stade Boutroux à Port de Vitry. Port de Vitry pour ils jouent à Carpentier. Pour aller les voir, ouais. Mais le cœur du club, il est à Boutroux. Eh bah très bien, bah on salue tout le FC Gobelins. Ouais, voilà, le FC gros big up à Gobelins. Dans une partie ici dans le studio. Attends, mais même il y a des joueurs hein, du Demo HP, c'est des anciens joueurs du FC Gobelins. Ah ouais, c'est vrai. Moi j'ai traumatisé Gobelins, ouais, moi franchement, moi. Moi j'ai traumatisé Marlon aussi. Au pire, je t'ai traumatisé les lucarnes. Ouais, grand. Et toi, non? Hein? Non, toi. Non, moi, lui, c'est plutôt basket. Si chez moi, on était, toi, sur le banc, on fumait des joints. Ouais, mais c'est bien pour le coaching. C'est bien pour le coaching. Galba, je fais du basket avec Kevin Ako qui est dans les locaux. On est à toi sur les parquets, on a fait du sale. Et quand même. Meneur, tu vois, la Chris Paul. Les mecs sont sportifs, quoi. Les mecs sont sportifs. Ah. Ouais, même dans le clip de Calogero, tu m'as vu quand j'avais 12 ans, tu m'as vu. C'est vrai? Dans le clip. Si seulement je pouvais lui manquer. Bah écoute, le petit négro beau gosse qui joue au basket. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé le clip, je te cache pas. Ça fait un moment que j'ai. Mais on ira. C'est vrai, on ira vérifier. Ouais. On ira mater. Donc on peut te voir dedans, t'as 12 piges. Ouais, ça en fait, c'est que des anciens sportifs à la retraite. À la retraite. En reconversion, En reconversion, c'est exactement ça. C'est mieux au rap, c'est plus facile. C'est vrai, c'est plus simple que le sport. Ah ouais, laisse tomber, pour nous, c'est plus facile. Bon, c'est une autre hygiène de vie, quoi. Bien plus, ouais. Tu peux être plus tranquille sur le banc. On peut être plus tranquille sur le banc. On peut être plus tranquille. Ah, mais attention, les concerts, c'est un match de 1. C'est vrai. C'est un match avec les prolongations. Hein. C'est vrai que c'est, faut, bah, faut, c'est physique, ouais. Ah ouais, c'est très physique. Ceux qui ont fait partie du public, je pense qu'ils l'ont remarqué. Et puis on l'a dit hier, il y a votre premier Bataclan à vous, hein, qui arrivera aussi prochainement le 3 décembre. Le Bataclan. Les places sont déjà en vente. On s'attend là-bas. Le Bataclan, il va s'appeler ce jour-là. Le Bataclan. Voilà, c'est exactement ça. Je vous présente Yanis F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ouais, je serai bien, quoi. Et toi? Ça va tranquillement. MZ, ça va ou quoi, les gars? Ça va, et toi? Si. Yanis de Sartrouville ou quoi? Yanis, c'est un sacré kicker aussi. Ah ouais. Sportif, on a le même lifestyle, les gars. C'est comment? On vous écoute, on reçoit. Ah ouais, carrément. Ah, c'est lourd, c'est une base. Ah, merci, tu fais plaisir. T'es où, Yanis? Là, t'es dans le RER? Non, je suis à la cabine, comme d'habitude. Ah oui, rap de cabine. Rap de cabine. Un classique. Un vrai thème, trop bien. Un classique, une base. Et bah, on t'écoute, vas-y, Yanis, c'est parti. Vas-y. Ah, ok. Pour mes salauds. Ah, MZ, le 4 mai, dans les bacs. Si, t'as capté, hein. Et, ok. Funeste le 12 juin. Ah, ça fait, ok. Yanis F2L, brrr. Ok, ça fait 1-1. Ta tête j'ai visé, je n'ai pas que du violet gros, je suis venu tout plier. Tu vois que du feu mais t'es tout proche de l'enfer. Cherche pas la monnaie, ta pièce dans un pilier. Vends pas ta percée, je connais bien ta méthode. Tu donnes ton cul mais t'assumes pas quand t'avortes. Salope mon dard est déguisé pour tes formes. Dans le fond t'es gentil mais pas à l'écoute t'es mort. Je suis sombre et violent mais j'assume totalement. Je suis le sphinx qui va te faire ravaler ta langue. Je me retournerai pas. Si je ne roule que dans des gros polis allemands, demande à mon viking si je les ai respectés. Victime de ton merde, de quoi je suis suspecté. On pèse le game, c'est ta qui t'a en crevé. Tu veux rentrer dans l'équipe pour le prouver. Menace exécute, j'ai pressé la détente. J'en prends un mixtape encore en train de les défendre. On est 4000 à préparer ta descente. On parle puis on vient crever toute ta descendance. Négro, tu primes mais tu prends pas des millions. Fais le gangster virtuel, mais t'es tout mignon. T'as parlé sur moi, t'as jamais assumé. Devant chargeur plein, va falloir assurer. Hein. Je vais changer la donne. Le chétan m'appelle, je réponds pas quand ça sonne. Tu veux percer, négro, va falloir pacter. Jamais je donnerai mon cul pour n'importe quelle somme. Validé par les plus grands, cette industrie. Il me reste une frontière entre ce modèle réel. Tu veux un feed, bah va crever. Ne t'approche pas de l'ombre si t'as peur des ténèbres. Brah. Yes, Yanis. Oh putain, il y a Yanis. Franchement, là, t'étais chaud. Elle lourde. Elle est lourde. Franchement, c'est dans son truc et puis, tu vois. C'est ça, faut faire ses bails dans l'ombre. Y'a que ça qui paye. Voilà, y'a que ça qui paye. Pas de grande gueule. Yanis, on t'écoute pour les dédicaces, pour te retrouver aussi sur le net, vas-y. Le Twitter, Facebook, Instagram, c'est Yanis F2L. Le Snap aussi, Yanis F2L. Comme je l'ai dit, le 12 juin, il y a ma mixtape qui sort. Première mixtape, on a travaillé dur dessus, c'est lourd. On va la prendre, 12 juin. On verra si la mixtape elle prend bien. Il y aura un petit album qui va suivre et encore une autre mixtape après. Donc on verra bien pour ça. Il n'y a pas de souci. Donc petite dédicace. Yanis. Merci à toi, Yanis. Petite dédicace. Vas-y, on t'écoute. Dédicace à Kalaï 95, Nasro de la Tour, Ryan et Kamzer qui soutiennent fort, à Steve mon poteau, à Tom et Fabi Rollup, mon équipe qui travaille dur, une spéciale à Fabi, Sophie et Léo qui soutiennent fort du Sud, à mes salauds, à Ventu, Chris et Kamel et Kaiser Sosé, et mes parisiennes Alem, Cathy, Patty, Fanny et Marion. Gros big up à la bouteille d'or, c'est Yanis F2L. Ah ouais, Yanis. Carré, Yanis. Ah, tu connais bien personne. Bravo à toi, merci Yanis. Vas-y, ciao. Ciao, juste petite info, on a retrouvé le clip. T'as retrouvé le clip, mais tu sais, j'en ai une meilleure. Il y a des images sur Skyrock FM si vous voulez mater le clip. J'en ai une meilleure. C'est quoi? Tu vois le président de la République qui est en place là? François Hollande. Ouais. Moi j'ai déjà rappé avec François Hollande, moi. Sérieux? Ah, en plus, vous le croyez pas. C'est moi, je fais pas de feat avec les rappeurs. Moi, quand je feat, c'est directement avec les gens. Alors, c'est quoi cette histoire? Tu sais. C'est les vrais mafieux. Les vrais, tu sais, il y a des connexions qui sont faites. À l'époque, on a fait un son sur Théo Café. L'émission Théo Café. Sur France 2. Sur France 2. Ouais, et puis il cherchait un feat, tu vois. Il cherchait un rappeur et moi j'étais dans cette année. J'étais au lycée. Mais il était pas président encore. Non, il était pas président, mais tu vois, je lui donnais la force. Ah non, moi je suis pas dans la politique. Bah là, hein. Tu pourrais aller lui filer un coup de main. Moi je suis pas dans la politique, j'ai jamais voté de ma vie, mais je donne la force. Tu vois, tu viens, t'es un homme politique, t'as besoin d'un petit son, tu vois. Tu viens me voir. C'était quoi? C'était pas l'époque de fumer, tiser, baiser? Non, c'était à l'époque de avant la majorité. D'accord. C'était notre premier projet qui était sorti à l'époque. En quelle année HP? Il était sorti en 2010. En 2010. Et ouais. Tu vois, un petit contact. Et donc t'as rappé dans Théo Café avec. Ouais, François Hollande, c'est les textes crus, c'est même lui. Tu vois? Il était choqué. Il était choqué. Mais vas-y, tranquille. Ah bon, bah, on va retrouver les images. Mais il m'avait promis que j'allais être ministre de la culture. Hein. Mais on retrouvera pour demain, on mettra le son, ça ira mieux avec. On va récupérer ça pour demain, on trouvera les 21. Aujourd'hui, on cultive que la ganja, mais il m'a dit que j'allais être ministre de la culture. C'est bizarre. Eh bah, ben écoute, tu peux lui rappeler. ses bons souvenirs. Il va chercher le 4 mai, il m'a dit. Surtout, c'est vrai. Tu es en direct, en connexion directe avec l'Elysée. Dans la voiture présidentielle, à fond. En connexion directe avec l'Elysée, Françoise, tu nous écoutes. Des gros sons comme je suis un monteur. Bon courage à toi, en tout cas, en ce moment. Les périodes sont dures. On va écouter alors ce titre inédit. Qui nous dit un mot sur le titre inédit qu'on va balancer maintenant? Voilà, c'est un son issu de l'album qui va sortir le 4 mai en featuring avec Mallory, en prod avec Equinox, le noyau. Voilà, on a traité un thème différent sur lequel où est-ce que voilà, on veut vraiment s'évader de la street parce que voilà quoi. On y est depuis jeune. Et voilà, à un moment, t'as envie de souffler un coup, t'as envie de te tirer ailleurs, t'as envie de manquer à la street. Donc voilà, c'est le morceau. Est-ce que là justement la musique vous permet aussi de, voilà, de voyager, de sortir un bien petit sûr, peu bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui nous permet de plus faire de conneries. Tu vois, d'être droit, de faire quelque chose qui est légal et qu'on aime bien faire. Tu vois, pour lequel tu te lèves du pied droit. Et bon, on l'écoute maintenant ce morceau, il est sur le projet. Soirée, toujours ces mêmes réveils, j'ai la gueule de bois, hein, c'est toujours pareil. Toujours ces mêmes Yankees, toujours ces mêmes appels. Toujours dans le quartier, maman dit qu'on fait de la peine. Et comme un con le lendemain, je veux recommencer. Un nouveau problème pour venir me récompenser. Pour me faire changer d'avis, il est trop tard. Je veux m'évader un petit moment, bon les gars, mange me pars. J'ai du mal à rêver, je veux me changer les idées. Viens, on prend un vol, qu'est-ce t'en dis? À nous le soleil d'été, détente et farniente. Viens, on prend un vol, qu'est-ce t'en dis? Je suis où, papa, pour tes affaires, fais, je t'attends en bas. Je suis où, papa, pour tes affaires, fais, je t'attends en bas. Été, automne, printemps, hiver. Dans le bendo, ça va finir par prendre foudre, traîner qu'avec des dingos. Je dois fuir la pollution pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Les frites et la foudre de ma connerie, tel un planeur. Même ma meuf, je dois la changer. Il doit exister des pétasses sur cette terre, j'en suis sûr qu'il prendrait soin de moi. Qui fait chavirer mon cœur, rendrait même à moi. Si elle existe, qu'elle reste loin de moi. J'ai du mal à rêver, je vais me changer les idées. Viens, on prend un vol, qu'est-ce t'en dis? À nous le soleil d'été. Affaire de famille le 4 mai. Le soir je me pose des questions. Suis-je con ou suis-je la cible d'une malédiction? Je mets toutes mes forces dans la chanson. Je ramasse contre courant pour ne pas toucher le fond. Mon téléphone ne répond plus. Bébé mon cœur ne répond plus. La jalousie ne m'ignore plus. Oui je cavale jour et nuit car la route est longue. J'ai du mal à rêver, je veux me changer les idées. Viens on prend un vol, qu'est-ce qu'on dit? À nous le soleil d'été. Morceau qui s'appelle Évadé, donc voilà, MZ avec Mallory. Mallory, et pour une petite anecdote, je vous ai laissé écouter le son pour vous dire que le son c'était tellement notre coup de cœur qu'on lui a carrément volé le son à Mallory, c'était pour son projet à la base. Merde. Merde. On aime trop, on a trop aimé ce son, c'était vraiment. C'est vrai, vous étiez en studio, donc Mallory c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage. T'sais. Elle a posé dans le morceau Lune de Fiel auparavant. Voilà, elle roule avec nous, on roule avec elle. Affaire de famille. Donc elle aussi prépare a priori un projet. Ah. Voilà, elle prépare son projet. Tome 1. le tome 1. Ouais, Malory. Bah non, il va falloir qu'il retrouve un autre son, c'est con. Le 1, ouais, le 2. Déjà le 2. Ouais, ouais, je suis carrément foncé. Ah ouais. Bon, c'est l'heure en même temps. Hein. Ah, t'as capté. Hein. 9h moins le quart. À la chicha. C'est l'heure de la chicha. Ah, tu sais pas à quoi elle a aromatisé, Fred. Fais attention. Hein. Ben... Tu pourras avoir les yeux rouges, mon. Non, mais vous êtes perso, les gars, vous êtes perso. T'as pu goûter. Ah. Même pas pu goûter. Demain, je t'en fais une bonne alors. Bon, non, un petit mot quand même, voilà, puisqu'on on parlait des thèmes justement de la MZ, il y a des choses différentes et c'est le cas aussi avec Evadé. Bah, c'est voilà, c'est. Toujours. Ce petit regard sur le quartier, sur la façon de. Vous, plus jeune, vous pensiez à quoi justement que, hormis la musique, qu'est-ce qui aurait pu vous évader? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Moi, perso, c'était le foot. Je me voyais pas être dans un bureau ou être debout toute la journée pour. Faire de la prospection, un truc comme ça. Moi, c'était le foot. Donc, c'était foot. C'était le sport que je kiffais depuis tout petit. Le basket. Mais toi, t'avais des connexions avec. Déjà, t'étais en politique, ouais, t'étais loin déjà. Tu vois, même. Il y a un truc aussi. T'étais avec Calogero, François Hollande. J'étais avec des gens aussi très sombres. Ouais. Des gens ténébreux. Non. Ouais, le sport, et moi, c'était le basket à l'époque. Mais je suis trop petit. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Aïe. C'est tendu. Aïe, la NBA. Aïe. Ah oui, carrément NBA. Je voulais, moi, mais trop petit. Non, trop petit. C'est pas passé. Ils sont pas prêts pour faire les efforts de Barcelone, là. Ouais. Mais ils savent pas, frère. Ils savent pas. T'arrêtes de faire un truc de ils ouf. Ils ont pas misé sur moi. Bon, bah là, la musique, écoute, c'est. Ouais. Non, mais c'est vrai, vous aviez pas une idée en particulier, non. Une envie. Je voulais pas être pompier. Non, voilà, je voulais pas être astronaute, je voulais pas être médecin, toutes ces conneries. Je voulais jouer au foot. Et plus tard, là, je préfère être rappeur, là. Putain, c'est plus cool, c'est moi des forts, tu sais. Et aussi, il y a aussi peut-être médecin. Tu sais, la gynécologie. Oh ouais. Ça intéresse, ça intéresse. Toi, tu farfouilles. Mais ça intéresse. Non, mais c'est des études. Ah bah ouais, c'est un truc particulier, ouais. Ouais, les trucs, tu vois. Tout ce qui est ça. Ça aurait pu t'inspirer. Ouais. Ça aurait pu t'inspirer. Ouais. Moi, je suis là pour soigner. Certains morceaux. Non, mais c'est un truc auquel vous pensez d'ailleurs, parce que évidemment, quand on est artiste, on se dit pas forcément qu'on va vivre de sa musique, surtout qu'actuellement les temps sont aussi durs. Il n'y a pas une envie, on se dit bon, bah qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on. Non, c'est sport, rien d'autre, pas d'études en particulier. C'était sport et rien d'autre quand on était petit. Comme là, au jour d'aujourd'hui, c'est rap et rien d'autre. Ouais. C'est l'école, c'était très compliqué. Hein. Pour tout le monde, il n'y avait pas un surdoué dans l'équipe? J'ai eu le bac, je suis fier, toi. Bah c'est bien. Marlo et moi, c'est nous, on est allé plus loin. Et les autres ont parti. Bac quoi? Bac STG. J'ai eu un bac STG. Là où il y a beaucoup de gonzesses. Ouais, pas mal en plus. En plus, dans mon lycée, il y avait la seule classe d'STG, le reste était des ST2S. C'est-à-dire, c'était. Comment ça s'appelle? C'était un repère. Là, les maisons en Espagne, là. Maison close. Ouais, c'était ça, mon lycée. T'es sûr que t'étais au lycée? T'étais pas la Jonquera? Ouais, la Jonquera. Voilà, mon lycée, c'était la Jonquera. Émile Dubois, dans le 14e. Ah ouais, bah, non, ils l'ont baptisé la Jonquera. Ouais, ils l'ont baptisé la Jonquera. Non, il y avait de la Dion. Il y avait de la toutou. La Jantara dans le 4e. La MZ avec nous entre 20 et 21. L'album, ça sort le 4 mai. On fait tourner la roulette. C'est parti. Ouais. Skyrock Radio. Okay. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planète Rap 2015 et un bon d'achat de 60 euros. Skyrock. Yacine de Toulon. Salut Yacine. Salut, ça va? Ça va et toi, bienvenue dans le Planète Rap avec la MZ. Ouais, j'ai vu ça. T'as vu ça, t'as entendu? Bah, je kiffe. T'es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Je kiffe, nous aussi. Ah, je suis prêt là. Il y a du bruit à la maison, Yacine, y'a qui? Ouais, mon petit frère qui écoute. Ah, c'est le frangin. Et la roulette qui s'arrête, c'est. Et ben voilà, compile Planète Rap 2015 et 60 euros en bon d'achat qui arrive à la maison, c'est pour toi et éventuellement pour ton petit frère. C'est trop bien. Si tu peux acheter ce que tu veux avec. Ah, merci. Merci à toi, Yacine. Continuez comme ça, l'AMZ, c'est trop la base. Franchement, c'est merde, mon gars. Merci. Passe une bonne soirée. Merci, l'AMZ, pour cette soirée à vous aussi. Merci à toi, Fred. De retour demain entre 20 et 21. On rappelle qu'Affaires de famille, c'est lundi 4 mai. Qu'on peut précommander maintenant, qu'il y a un nouveau clip qui est arrivé depuis hier aussi. Hein. Wesh les puristes. Tu vois? Et on peut aller cliquer. Wesh les puristes. Pression directement. Bref. Wesh les puristes. C'est la suite. C'est la suite. De Bratatata. C'est la suite. Bougez pas, dans un instant, Yadi Foul, merci à vous tous. Merci. L'AMZ était avec nous entre 20 et 21. Aïe. Et là, il est donc grand temps de retrouver la radio libre de Yadi Foul. C'est parti. Eh oui, Fred, yes. On est là. La spéciale démarre dans un instant sur Skyrock. Yes. N'oubliez pas, demain, Wiz Khalifa dans l'émission. Hein. Demain, c'est mercredi. Wiz Khalifa, à pas louper, entre 21h et minuit. Bon, avant demain, il y a aujourd'hui. Eh oui, c'est la grande soirée encore. Et j'ai une surprise pour Romano, ça va lui faire très, très, très plaisir. Ah ouais. Il m'a demandé quelque chose. Alors, c'est de l'argent, mais c'est pas ça que je vais te donner. Ah, dommage. Mais un truc qu'on a fait dans l'émission et que t'as bien aimé, on retrouvera ça avant minuit. On aura également Cédric et une de ses meilleures embrouilles. Ouais, ouais, ouais. Parce que Cédric adore s'embrouiller. Voilà, j'adore. Et plein de trucs à faire. On revient tout de suite sur Skyrock et Planète Rap. Fredo, le retour. Yes. C'est demain, 20h, 21h sur Sky. Et nous, on arrive tout de suite. Avec l'MZ. Ciao.